l'horizon de ma fenêtre, vois le ruisseau des âmes renaître, et les doutes cesseront sans un bruit, et les gouttes d'eau tomberont dans l'oubli. Vise l'eau, suis le flot, mais les passions ne sont qu'éphémères. D'eau douce et de mer n'ont pas de cœur à part quelques exceptions. C'est la loi naturelle de la sélection. Tout à la frontière, des cœurs de pierre s'écartent des vagues et des lacs de pureté à terme que des flammes. S'écartent des vagues et des lacs de pureté à terme que des flammes.